étrange histoire de Peter Schlemihl par Aldabert Chamisso. J'ai connu Peter Schlemihl en 1804 à Berlin. C'était un grand jeune homme gauche, sans être maladroit, inerte, sans être paresseux. Le plus souvent renfermé en lui-même, sans paraître s'inquiéter de ce qui se passait autour de lui, inoffensif, mais sans égard pour les convenances, et toujours vêtu d'une vieille courte queue, noire râpée, qui avait fait dire de lui qu'il devrait s'estimer heureux si son âme partageait à demi l'immortalité de sa casaque. Il était habituellement en butte au sarcasme de nos amis. Cependant, je l'avais pris en affection, moi. Plusieurs traits de ressemblance avaient établi un attrait mutuel entre nous. J'habitais en 1813 à la campagne, près de Berlin, et séparé de Schlemihl par les événements, je l'avais depuis longtemps perdu de vue. Lorsqu'un matin brumeux d'automne, ayant dormi tard, j'appris à mon réveil qu'un homme à longue barbe, vêtu d'une vieille courte queue, noire râpée, et portant des pantoufles par-dessus ses bottes, s'était informé de moi et avait laissé un paquet à mon adresse. Ce paquet contenait le manuscrit autographe de l'étrange histoire de Peter Schlemihl. J'ai mal usé de la confiance de mon malheureux ami. J'ai laissé voir le manuscrit que j'aurais dû tenir caché, et Fouquet a commis l'indiscrétion de le faire imprimer. Je n'ai pu dès lors qu'en soigner les éditions. J'ai porté la peine de ma faute. On m'a associé à la honte de Schlemihl que j'avais contribué à divulguer. Cependant, j'ai vieilli depuis lors, et retiré du monde, le respect humain n'a plus d'empire sur moi. J'avoue aujourd'hui sans hésiter l'amitié que j'ai eue pour Peter Schlemihl. Cette histoire est tombée entre les mains de gens réfléchis qui, accoutumés à ne lire que pour leur instruction, se sont inquiétés de savoir ce que c'était que l'ombre. Plusieurs ont fait à ce sujet des hypothèses fort curieuses. D'autres me faisaient l'honneur de me supposer plus instruit que je ne l'étais, se sont adressés à moi pour en obtenir la solution de leurs doutes. Les questions dont j'étais assiégé m'ont fait rougir de mon ignorance. Elles m'ont déterminé à comprendre, dans le cercle de mes études, un objet qui, jusque-là, leur était resté étranger. Et je me suis livré à de savantes recherches dont je consignerai ici le résultat. De l'ombre. Un corps opaque ne peut jamais être éclairé qu'en partie par un corps lumineux. Et l'espace privé de lumière, qui est situé du côté de la partie non éclairée, est ce qu'on appelle ombre. Ainsi, l'ombre proprement dite représente un solide, dont la forme dépend à la fois de celle du corps lumineux, de celle du corps opaque et de la position de celui-ci à l'égard du corps lumineux. L'ombre considérée sur un plan situé derrière le corps opaque qui la produit n'est autre chose que la section de ce plan dans le solide qui représente l'ombre. Oui, traité élémentaire de physique. C'est donc de ce solide dont il est question dans l'étrange histoire de Peter Schlemihl. La science de la finance nous instruit assez de l'importance de l'argent. Celle de l'ombre est moins généralement reconnue. Mon imprudent ami a convoité l'argent dont il connaissait le prix et n'a pas songé au solide. La leçon qu'il a chèrement payée, il veut qu'elle nous profite, et son expérience nous crie « Songez au solide ». Berlin en novembre 1837, Adalbert de Chamisso. Nous entrâmes au port après une heureuse traversée qui, cependant, n'avait pas été pour moi sans fatigue. Dès que le canot m'eut mis à terre, je me chargeai moi-même de mon très mince bagage et, fendant la foule, je gagnai la maison la plus proche et la plus modeste de toutes celles où je voyais pendre des enseignes. Je demandai une chambre. Le garçon d'auberge, après m'avoir toisé un coup d'œil, me conduisit sous le toit. Je me fis donner de l'eau fraîche et m'informai de la demeure de M. Thomas John. « Sa maison de campagne, me dit-il, est la première à main droite. en sortant par la porte du nord. C'est le palais neuf aux colonnades de marbre. Il était encore de bonne heure. J'ouvris ma valise, j'en tirai mon frac noir récemment retourné, et m'étant habillé le plus proprement possible, je me mis en chemin, muni de la lettre de recommandation qui devait intéresser à mes modestes espérances le patron chez qui j'allais me présenter. Après avoir monté la longue rue du Nord et passé la barrière, je vis bientôt briller les colonnes à travers les arbres qui bordaient la route. C'est donc ici, me dis-je. J'essuyai avec mon mouchoir la poussière de mes souliers, j'arrangeai les plis et le nœud de ma cravate, et, à la garde de Dieu, je tirai le cordon de la sonnette. La porte s'ouvrit. Il me fallut d'abord essuyer un interrogatoire, mais enfin le portier voulut bien me faire annoncer, et j'eus l'honneur d'être appelé dans le parc où monsieur John se promenait avec sa société. Je le reconnus aisément à l'air de suffisance qui régnait sur son visage arrondi. J'eus à me louer de son accueil qui, toutefois, ne me fit point oublier la distance qui sépare un homme riche d'un pauvre diable. Il fit un mouvement vers moi, sans pourtant se séparer de sa société, prit la lettre de recommandation que je lui présentai, et dit en regardant l'adresse, de mon frère. Il y a bien longtemps que je n'ai entendu parler de lui. Il se porte bien? Et sans attendre ma réponse, il se retourna vers son monde, montrant avec la lettre une colline qui s'élevait à quelque distance. C'est là, dit-il, que je veux construire le nouveau bâtiment dont je vous ai parlé. Puis il brisa le cachet, sans toutefois interrompre la conversation qui roulait sur les avantages de la fortune. Celui qui ne possède pas au moins 1 million, dit-il, n'est, pardonnez-moi le mot, n'est qu'un gueux. Quelle vérité, m'écriai-je avec l'accent d'une douloureuse conviction. L'expression de ma voix le fit sourire. Il se tourna vers moi. Restez, mon ami, me dit-il. Peut-être plus tard aurai-je le temps de vous dire ce que je pense de votre affaire. Il mit dans sa poche la lettre qu'il avait parcourue des yeux et offrit le bras à une jeune dame. Le reste de la société l'imita. Chacun s'empressa auprès de la beauté qui l'intéressait. Les groupes se formèrent et on s'achemina vers la colline émaillée de fleurs que monsieur John avait désignée. Pour moi, je fermai la marche sans être à charge de personne, car personne ne faisait attention à moi. Tour à tour, on feulâtrait, on parlait avec gravité de choses vaines et futiles. On traitait avec légèreté les sujets les plus graves, et l'épigramme s'aiguisait, surtout aux dépens des absents. J'étais donc trop peu fait à ce genre de conversation, trop étranger dans ce cercle et trop préoccupé pour avoir l'esprit à ce qui se disait et m'amuser avec tant d'énigmes. On avait atteint le bosquet lorsque la jeune Fanny, qui semblait être l'héroïne du jour, s'entêta à vouloir arracher une branche de rosier fleuri. Une épine la blessa et quelques gouttes de sang vermeil relavèrent encore la blancheur de sa main. Cet événement mit toute la société en mouvement. On demandait, on cherchait du taffetas d'Angleterre. Un homme âgé, pâle, grêle, sec et filé, qui suivait la troupe en silence et à l'écart, et que je n'avais pas encore remarqué, accourut, et glissant la main dans la poche étroite de son antique justaucorps de taffetas gris, cendré, en tira un petit portefeuille, l'ouvrit, et avec la plus profonde révérence présenta à la dame ce qu'elle demandait. Elle accepta ce service avec distraction et sans adresser le plus léger remerciement à celui qui le lui rendait. La plaie fut pansée et l'on continua à gravir la colline, du sommet de laquelle les yeux s'égaraient sur un labyrinthe de verdure pour se reposer plus loin sur l'immensité de l'océan. La perspective était en effet magnifique. Un point lumineux se faisait remarquer à l'horizon, entre le vert foncé des flots et l'azur du ciel. « Une lunette !» s'écria Monsieur John. À peine les laquais, accourus à la voix du maître, avaient entendu ses ordres, que déjà l'homme en habit gris, s'inclinant d'un air respectueux, avait remis la main dans sa poche et en avait tiré un très beau télescope qu'il avait présenté à Monsieur John. Celui-ci, considérant l'objet lointain, annonça à la société que c'était le vaisseau qui, la veille, était sorti du port, et que les vents contraires retenaient à la vue des côtes. La lunette d'approche passa de main en main, mais ne revint point dans celle de son propriétaire. Quant à moi, j'examinais cet homme avec surprise, et je ne pouvais comprendre comment un si long instrument avait pu tenir dans sa poche. Mais personne ne semblait y prendre garde, et l'on ne s'inquiétait pas plus de l'homme en habit gris que de moi. On offrit des rafraîchissements. Les fruits les plus rares, les plus exquis, furent servis dans des corbeilles élégantes et sur les plus riches plateaux. Monsieur John faisait avec aisance les honneurs de la collation. Il m'adressa pour la seconde fois la parole. « Prenez, me dit-il, cela vous manquait à bord. » Je m'inclinai pour lui répondre, mais déjà y causait avec un autre. Si l'on eût craint l'humidité du gazon, on se serait assis sur le penchant de la colline pour jouir de la beauté du paysage. « Il serait ravissant, dit quelqu'un de la société, de pouvoir étendre ici des tapis. » À peine ce vœu avait été prononcé que l'homme déjà en habit gris avait la main dans sa poche, occupé de l'air le plus humble à en faire sortir une riche étoffe de pourpre, brodée d'or. Les domestiques la reçurent tranquillement de ses mains et la déroulèrent sur l'herbe. Toute la société y prit place. Moi, stupéfait, je considérais tour à tour et l'homme et la poche et le tapis qui avaient plus de 20 aunes de long sur 10 de large. Je me frottai les yeux. Je ne savais que penser, que croire, en voyant surtout que personne ne témoignait la moindre surprise. J'aurais voulu m'informer quel était cet homme, mais je ne savais à qui m'adresser, car j'étais aussi timide envers messieurs les valets qu'envers le reste de la société. Je m'enhardis enfin, en m'approchant d'un jeune homme qui me semblait sans conséquence, et qu'on avait souvent laissé seul. Je le priai à demi-voix de m'apprendre quel était ce complaisant d'une nouvelle espèce, vêtu d'un habit de taffetas gris. « Qui ?» me répondit-il. « Celui qui ressemble à un bout de fil échappé de l'aiguille d'un tailleur. Oui, celui qui se tient là, seul à l'écart. » « Je ne le connais pas. » Il me tourna le dos, et sans doute pour éviter mes questions, il se mit à parler de choses indifférentes avec un autre. Cependant, le soleil avait dissipé les nuages et l'ardeur de ses rayons commençait à incommoder les dames. La belle Fanny se tourna négligemment vers l'homme en habit gris, auquel personne que je sache n'avait encore adressé la parole, lui demanda si, par hasard, il n'aurait pas aussi une tente sur lui. Il ne répondit que par le salut le plus profond, comme s'il eût été loin de s'attendre à l'honneur qu'on lui faisait. Et cependant, il avait déjà la main dans sa poche, dont je vis sortir à la file pieux, cordes, clous, coutils, en un mot tout ce qui peut entrer dans la construction du pavillon le plus commode. Les jeunes gens s'empressèrent d'en faire usage, et une tente ombragea bientôt de sa gracieuse coupole tout le riche tapis précédemment étendu sur le gazon. Personne, cependant, ne donnait la moindre marque d'étonnement. Déjà, j'étais frappé d'une secrète horreur, et je frissonnais involontairement. Que devins-je lorsqu'au premier désir exprimé dans la société, je vis l'homme gris tirer 3 chevaux de sa poche. Oui, 3 beaux chevaux noirs à tout crin, scellé et bridé de cette même poche dont venait déjà de sortir un portefeuille, une lunette d'approche, un tapis de 20 aunes de long sur 10 de large, et une tente des mêmes dimensions. Certes, mon ami, tu refuserais de le croire. Si je ne t'affirmais avec serment l'avoir vu de mes propres yeux, quelle que fût d'une part l'humilité de l'homme en habit gris et de l'autre l'insouciance de la société à son égard, moi je ne pouvais détourner les yeux de sa personne, et son aspect me faisait frémir. Il me devint impossible de le supporter plus longtemps. Je résolus de m'éloigner, ce qui, vu le rôle insignifiant que je jouais, devait m'être facile. Je voulais retourner à la ville, rendre le lendemain une nouvelle visite à M. John, et si j'en avais l'occasion ou le courage, lui faire quelques questions au sujet de l'homme étrange en habit gris. Trop heureux si j'avais réussi à m'échapper. Déjà je m'étais glissé hors du bosquet, et me trouvais au pied de la colline, sur une vaste pièce de gazon, lorsque la crainte d'être surpris hors des allées me fit regarder autour de moi. Quel fut mon effroi! En me retournant, j'aperçus l'homme en habit gris, qui me suivait et venait à moi. Il m'ôta d'abord son chapeau, et s'inclina plus profondément que jamais personne n'avait fait devant moi. Il était clair qu'il voulait me parler, et je ne pouvais plus l'éviter sans impolitesse. Je lui ôtai donc aussi mon chapeau, et lui rendis son salut. Je restai là, tête nue, en plein soleil, immobile comme si j'eusse pris racine sur le sol. Je le regardais fixement, avec une certaine crainte, et je ressemblais à l'oiseau que le regard du serpent a fasciné. Lui-même paraissait embarrassé. Il n'osait lever les yeux et s'avançait en s'inclinant à différentes reprises. Enfin, il m'aborde, et il m'adresse ses paroles à voix basse, et du ton indécis qui aurait convenu à un pauvre honteux. « Monsieur, daignera-t-il excuser mon importunité si, sans avoir l'honneur d'être connu de lui, j'ose me hasarder à l'aborder ? J'aurais une humble prière à lui faire. Si monsieur voulait me faire la grâce... » « Mais au nom de Dieu, monsieur, m'écriai-je en l'interrompant dans mon anxiété, que puis-je pour un homme qui... » Nous demeurâmes courts tous les deux, et je crois que la rougeur nous monta également au visage. Après un intervalle de silence, il reprit la parole. Pendant le peu de moments que j'ai joui du bonheur de me trouver auprès de vous, j'ai à plusieurs reprises... Je vous demande mille excuses, monsieur, si je prends la liberté de vous le dire. J'ai contemplé avec une admiration inexprimable l'ombre superbe que sans aucune attention et avec un noble mépris vous jetez à vos pieds. Cette ombre même que voilà... Encore une fois, monsieur, pardonnez à votre humble serviteur d'un signe témérité de sa proposition. Daignerez-vous consentir à traiter avec moi de ce trésor? Pourriez-vous vous résoudre à me le céder? Il se tut, et j'hésitais encore mes oreilles. M'acheter mon ombre? Il est fou, me dis-je en moi-même. Et d'un ton qui sentait peut-être un peu la pitié, je lui répondis « Eh, mon ami, n'avez-vous donc point assez de votre ombre? Quel étrange marché me proposez-vous ?» Il continua « J'ai dans ma poche bien des choses qui pourraient n'être pas indignes d'être offertes à monsieur. Il n'est rien que je donne pour cette ombre inestimable, rien à mes yeux n'en peut égaler le prix. » Une sueur froide ruissela sur tout mon corps lorsqu'il me fit ressouvenir de sa poche, et je ne compris plus comment j'avais pu le nommer mon ami. Je repris la parole et tâchai de réparer ma faute à force de politesse. « Mais monsieur, lui dis-je, excusez votre humble serviteur, sans doute que j'ai mal compris votre pensée. Comment mon ombre pourrait-elle... » Il m'interrompit. Je ne demande à monsieur que de me permettre de ramasser ici son ombre et de la mettre dans ma poche. Quant à la manière dont je pourrais m'y prendre, c'est mon affaire. En échange, et pour prouver à monsieur ma reconnaissance, je lui laisserai le choix entre plusieurs bijoux que j'ai avec moi. L'herbe précieuse du prêcheur Goulocus, la racine de Circé, les 5 sous du juif errant, le mouchoir du grand Albert, la mandragore, l'armet de Membrun, le rameau d'or, le chapeau de Fortunatus, remis à neuf et richement remonté, ou, si vous préfériez sa bourse, la bourse de Fortunatus, m'écriai-je. Et ce seul mot, quelle que fût d'ailleurs mon angoisse, m'avait tourné la tête. Il me prit des vertiges, et je crus entendre les doubles ducats tinter à mon oreille. Que monsieur daigne examiner cette bourse et en faire l'essai. Il tira en même temps de sa poche et remit entre mes mains un sac de maroquin à double couture et fermé par des courroies. J'y puisai et en retirai 10 pièces d'or, puis 10 autres, puis encore 10 et toujours 10. Je lui tendis précipitamment la main. « Top, dis-je, le marché conclu. Pour cette bourse, vous avez mon ombre. » Il me donna la main et sans plus de délai, se mit à genoux devant moi. Je le vis avec la plus merveilleuse adresse, détacher légèrement mon ombre du gazon depuis la tête jusqu'aux pieds, la plier, la rouler, et la mettre enfin dans sa poche. Il se releva quand il eut fini, s'inclina devant moi et se retira dans le bosquet de roses. Je crois que je l'entendis rire en s'éloignant. Pour moi, je tenais ferme la bourse par les cordons. La terre était également éclairée tout autour de moi, et je n'étais pas encore maître de mes sens. Enfin, je revins à moi, et me hâtai de quitter ce lieu où j'espérais ne plus avoir rien à faire. Je commençai par remplir mes poches d'or, puis je suspendis la bourse à mon cou et la cachai sous mes vêtements. Je sortis du parc sans être remarqué. Je gagnai la grande route et je m'acheminai vers la ville. J'approchai de la porte, lorsque j'entendis crier derrière moi « Jeune homme ! Hé, jeune homme, écoutez donc !» Je me retournai et j'aperçus une vieille femme qui me dit « Prenez donc garde, monsieur, vous avez perdu votre ombre !»« Grand merci, ma bonne mère, lui répondis-je, en lui jetant une pièce d'or pour prix de son bon avis, et je continuai ma route à l'ombre des arbres qui bordaient le chemin. » À la barrière, la sentinelle répéta la même observation. « Où celui-ci a-t-il laissé son ombre ?» Des femmes à quelques pas de là s'écrièrent. « Jésus-Marie, le pauvre homme n'a point d'ombre !» Ces propos commencèrent à me chagriner. J'évitais avec le plus grand soin de marcher au soleil, mais il y avait des carrefours où l'on ne pouvait faire autrement. Comme par exemple au passage de la grande rue, où quand j'arrivais, pour mon malheur, justement, les polissons sortaient de l'école. Un maudit petit bossu, je crois le voir encore, remarqua d'abord ce qui me manquait et me dénonça par de grands cris à la bande écolière du faubourg, qui commença sans façon à me harceler avec des pierres et de la boue. « La coutume des honnêtes gens, criait-il, est de se faire suivre de leur ombre quand ils vont au soleil. » Je jetai de l'or à pleine main pour me débarrasser d'eux, et je sautai dans une voiture de place que de bonnes âmes me procurèrent. Aussitôt que je me trouvais seul dans la maison roulante, je commençai à pleurer amèrement. Déjà je pressentais que, dans le monde, l'ombre l'emporte autant sur l'or que l'or sur le mérite et la vertu. J'avais jadis sacrifié la richesse à ma conscience. Je venais de sacrifier mon ombre à la richesse. Que pouvais-je faire désormais sur la terre ? Je n'étais pas encore revenu de mon trouble lorsque la voiture s'arrêta devant mon auberge. L'aspect de cette masure m'indigna. J'aurais rougi de remettre le pied dans ce misérable grenier où j'étais logé. J'en fis sur-le-champ descendre ma valise. Je la reçus avec dédain, laissai tomber quelques pièces d'or et ordonnai de me conduire au plus brillant hôtel de la ville. Cette maison était exposée au nord et je n'avais rien à y craindre du soleil. Je donnai de l'or au cocher, et je me fis ouvrir le plus bel appartement, et je m'y enfermai dès que je fus seul. Et que penses-tu que je fisse alors? Ô mon cher Aldebert, en te la voyant, la rougeur me couvre le visage. Je tirai la malheureuse bourse de mon sein, et avec une sorte de fureur semblable au délire toujours croissant de ces fièvres ardentes, qui s'alimentent par leur propre malignité, j'y puisai de l'or, encore de l'or, sans cesse, de l'or. Je le répandais sur le plancher. Je l'amoncelais autour de moi. Je faisais sonner celui que je retirais sans interruption de la bourse. Et ce maudit son, mon cœur s'en repaissait. J'entassais sans relâche le métal sur le métal, jusqu'à ce qu'enfin, accablé de fatigue, je me roulais sur ce trésor. Je nageais en quelque sorte dans cet océan de richesses. Ainsi se passa la journée, la nuit me trouva gisant sur mon or, et le sommeil vint enfin m'y fermer les yeux. Un songe me reporta près de toi. Je me trouvais derrière la porte vitrée de ta petite chambre. Tu étais assis à ton bureau, entre un squelette et un volume de ton herbier. Allaire, Humboldt et Linné étaient ouverts devant toi, et sur ton canapé Homère et Shakespeare. Je te considérais longtemps, puis j'examinais tout ce qui était autour de toi, et mes yeux te contemplèrent de nouveau. Mais tu étais sans mouvement, sans respiration, sans vie. Je m'éveillais. Il paraissait être encore de fort bonne heure. Ma montre était arrêtée, et j'étais brisé. Et de plus, je mourais de besoin. Je n'avais rien pris depuis la veille au matin. Je repoussai avec dépit loin de moi cet or dont peu auparavant j'avais follement enivré mon cœur. Maintenant, inquiet, triste et confus, je ne savais plus qu'en faire. Je ne pouvais le laisser ainsi sur le plancher. J'essayais si la bourse de laquelle il était sorti aurait la vertu de l'absorber. Mais non, il ne voulait pas y rentrer. Aucune de mes fenêtres ne donnait sur la mer. Il fallut donc prendre mon parti, à force de temps et de peine. À la sueur de mon front, le portait dans une grande armoire qui se trouvait dans un cabinet attenant à ma chambre à coucher, et l'y cachait jusqu'à nouvel ordre. Je n'en laissais que quelques poignées dans mon appartement. Lorsque ce travail fut achevé, je m'étendis, épuisé de fatigue, dans une bergère, et j'attendis que les gens de la maison commençassent à se faire entendre. Je me fis apporter à manger, et je fis venir l'hôte avec lequel je réglai l'ordonnance de ma maison. Il me recommanda pour mon service personnel un nommé Bendel, dont la physionomie ouverte et sage m'inspira d'abord la confiance. Pauvre Bendel! C'est lui dont l'attachement a depuis adouci mon sort, et qui m'a aidé à supporter mes maux en les partageant. Je passais toute la journée chez moi avec des valets sans maître et des marchands. Je montais ma maison et ma suite conformément à ma fortune actuelle. Et j'achetais surtout une quantité de choses inutiles, de bijoux et de pierreries, dans le seul but de me débarrasser d'une partie du monceau d'or qui me gênait. Mais à peine si la diminution en était sensible. Je flottais cependant à l'égard de ce qui me manquait. Dans une incertitude mortelle, je n'osais sortir de ma chambre et je faisais allumer le soir 40 bougies dans mon salon pour ne point rester dans les ténèbres. Je ne pensais qu'avec effroi à la rencontre des écoliers. Cependant, je voulais autant que j'en aurais eu le courage affronter encore une fois les regards du public et donner à l'opinion l'occasion de se prononcer. La lune éclairait alors les nuits. Je m'enveloppai d'un large manteau, je rabattis mon chapeau sur mes yeux et me glissai, tremblant comme un malfaiteur, hors de l'hôtel. Je m'éloignai à l'ombre des maisons, et ayant gagné un quartier écarté, je m'exposai aux rayons de la lune. Résigné à apprendre mon sort de la bouche des passants. Épargne-moi, mon ami, le douloureux récit de tout ce qu'il me fallut endurer. Quelques femmes manifestaient la compassion que je leur inspirais, et l'expression de ce sentiment ne me déchirait pas moins le cœur que les outrages de la jeunesse et l'orgueilleux mépris des hommes, de ceux-là surtout qui se complaisent à l'aspect de l'ombre large et respectable dont leur haute stature était accompagnée. Une jeune personne, une grande beauté qui semblait suivre ses parents, tandis que ceux-ci regardaient avec circonspection à leurs pieds, porta par hasard ses regards sur moi. Je la vis tressaillir lorsqu'elle remarqua la malheureuse clarté qui m'environnait. L'effroi se peignit sur son beau visage. Elle le couvrit de son voile, baissa la tête et poursuivit sa route sans ouvrir la bouche. Des larmes amères s'échappèrent alors de mes yeux, et le cœur brisé, je me replongeai dans l'ombre. J'eus besoin de m'appuyer contre les murs pour soutenir ma démarche chancelante, et je regagnai lentement ma maison où je rentrai tard. Le sommeil n'approcha point cette nuit de ma paupière. Mon premier soin, dès que le jour parut, fut de faire chercher l'homme en habit gris. J'espérais, si je parvenais à le retrouver, que peut-être notre étrange marché pouvait lui sembler aussi onéreux qu'à moi-même. J'appelai Bendel. Il était actif et intelligent. Je lui dépeignis exactement l'homme entre les mains duquel était un trésor, sans lequel la vie ne pouvait plus être pour moi qu'un supplice. Je l'instruisis du temps et du lieu où je l'avais rencontré. Et je lui dis encore que, pour des renseignements plus particuliers, il eut à s'informer curieusement d'une lunette d'approche, d'un riche tapis de Turquie, d'un pavillon magnifique et enfin de trois superbes chevaux de selle noire. Objet dont l'histoire que je ne lui racontais pas se rattachait essentiellement à celle de l'homme mystérieux que personne n'avait semblé remarquer, et de qui l'apparition avait détruit le repos et le bonheur de ma vie. Tout en parlant, je lui donnai autant d'or que j'en avais pu porter. J'y ajoutai des bijoux et des diamants d'une valeur encore plus grande, et je poursuivis. Voilà ce qui aplanit bien des chemins, et rend aisé bien des choses impossibles. Ne sois pas plus économe de ces richesses que moi-même. Va, Bendel, va, et ne songe qu'à rapporter à ton maître des nouvelles sur lesquelles il fonde son unique espérance. Il revint tard et triste. Il n'avait rien appris des gens de M. John, rien des personnes de sa société. Il avait cependant parlé à plusieurs, et aucune ne paraissait avoir le moindre souvenir de l'homme en habit gris. La lunette était encore entre les mains de M. John. Le pavillon tendu sur la colline couvrait encore le riche tapis de Turquie. Les valets vantaient l'opulence de leur maître, mais tous ignoraient également d'où lui venaient ces nouveaux objets de luxe. Lui-même y prenait plaisir, sans paraître se rappeler celui de qui il les tenait. Les jeunes gens qui avaient monté les chevaux noirs les avaient encore dans leur écurie, et ils s'accordaient à célébrer la générosité de M. John, qui leur en avait fait présent. Le récit long et circonstancié de Bendel m'éclairait peu. Cependant, quelque infructueuses qu'eussent été ses démarches, je ne pus refuser des louanges à son zèle, à son activité et à sa prudence mesurée. Je lui fis signe en soupirant de me laisser seul. J'ai, reprit-il, rendu compte à monsieur de ce qui lui importait le plus de savoir. Il me reste à m'acquitter d'une commission dont m'a chargé pour lui quelqu'un que je viens de rencontrer devant la porte, en retournant d'une mission où j'ai si mal réussi. Voici quelles ont été ses propres paroles. Dites à Monsieur Pierre Chenemil qu'il ne me reverra plus ici, parce que je vais passer les mers et que le vent qui vient de se lever ne m'accorde plus qu'un moment, mais que d'aujourd'hui dans un an, j'aurai moi-même l'honneur de venir le trouver et de lui proposer un nouveau marché qui pourra lui être alors agréable. Faites-lui mes très humbles compliments et assurez-le de ma reconnaissance. Je lui ai demandé son nom, il m'a répondu. Apportez seulement à votre maître ce que je viens de vous dire, et il me reconnaîtra. Comment était-il fait? M'écriai-je avec un sinistre pressentiment. Et Bendel me dépeignit trait pour trait l'homme en habit gris, tel qu'il venait de le signaler lui-même dans son récit. Malheureux! M'écriai-je. C'était lui-même. Et tout à coup, comme si un épais bandeau fût tombé de ses yeux. « Ah oui, oui !» s'écria-t-il avec l'expression de l'effroi. « Oui, c'était lui. C'était lui-même. Et moi, aveugle et insensé que j'étais, je ne l'ai pas reconnu malgré la peinture exacte que vous m'en aviez faite, et j'ai trahi la confiance de mon maître. » Il éclata contre lui-même en reproches amers, et le désespoir auquel je le voyais se livrer excita ma compassion. Je cherchais à le consoler. Je l'assurais que je ne doutais nullement de sa fidélité, mais je lui ordonnais de courir aussitôt au port et de suivre, s'il en était encore temps, les traces de l'inconnu. Il y vola, mais un grand nombre de vaisseaux, retenus depuis longtemps par les vents contraires, venaient de mettre à la voile pour toutes les contrées du monde, et l'homme en habit gris avait disparu. Hélas, comme mon ombre qui l'emportait, sans laisser de vestiges. De quoi serviraient des ailes à qui gémiraient dans les fers? Elles ne feraient qu'accroître son désespoir. J'étais comme le dragon qui couve son trésor, dépourvu de toute consolation humaine, et misérable au sein de mes richesses. Je les maudissais comme une barrière qui me séparait du reste des mortels. Seul, renfermant au-dedans de moi-même mon funeste secret, réduit à craindre le moindre de mes valets et à envier son sort, car il pouvait se montrer au soleil et réfléchir devant lui son ombre, j'aigrissais ma douleur en y rêvant sans cesse. Je ne sortais ni jour ni nuit de mon appartement. Le désespoir peu à peu s'emparait de mon cœur. Il le brisait, il allait l'anéantir. J'avais un ami, cependant, qui, sous mes yeux, se consumait aussi de chagrin. C'était mon fidèle Bendel, qui ne cessait de s'accuser d'avoir trompé ma confiance en ne reconnaissant pas l'homme dont je l'avais chargé de s'informer, et auquel il devait croire que se rattachaient toutes mes douleurs. Pour moi, je ne pouvais lui faire aucun reproche. Je ne sentais que trop, dans tout ce qui s'était passé, l'ascendant mystérieux de l'inconnu. Un jour, pour tout essayer, j'envoyai Bendel, avec une riche bague de diamants, chez le peintre le plus renommé de la ville, en le faisant prier de passer chez moi. Il vint. J'éloignai tous mes gens. Je fermai soigneusement ma porte. Je fis asseoir l'artiste de mon côté, et après avoir loué ses talents, j'abordai la question, non sans un serrement de cœur inexprimable. J'avais cependant pris la précaution de lui faire promettre le plus religieux secret sur la proposition que j'allais lui faire. « Monsieur le professeur, lui dis-je, vous serait-il possible de peindre une ombre ?» Un homme qui, par un enchaînement inouï de malheurs, aurait perdu la sienne? Vous parlez, monsieur, de l'ombre portée? Oui, monsieur, de l'ombre portée, de celle que l'on jette à ses pieds au soleil. Mais, poursuivit-il, par quelle négligence, par quelle maladresse, cet homme a-t-il donc pu perdre son ombre? Il importe peu, repartis-je. Comment cela s'est fait? Cependant, je vous dirai, et je sentis qu'il fallait mentir, que, voyageant l'hiver dernier en Russie, Son ombre, par un froid extraordinaire, gela si fortement sur la terre qu'il lui fut impossible de l'en arracher. Il fallut la laisser à la place où le malheur était arrivé. L'ombre postiche que je pourrais lui peindre, répondit l'artiste, ne résisterait pas au plus léger mouvement. Il la perdrait encore infailliblement, lui qui, à croire votre récit, tenait si faiblement à celle qu'il avait reçue de la nature. Que celui qui ne porte point d'ombre ne s'expose pas au soleil, c'est le plus raisonnable et le plus sûr. Il se leva à ces mots et s'éloigna en me lançant un regard pénétrant que je ne pus supporter. Je retombai dans mon fauteuil et je cachai mon visage dans mes deux mains. Bendel, en rentrant, me trouva dans cette attitude. Et respectant la douleur de son maître, il allait se retirer en silence. Je levai les yeux, je succombai sous le fardeau de mes peines. Il les fallait alléger en les versant dans le sein d'un ami. « Bendel, lui criai-je, Bendel, toi le seul témoin de ma douleur, qui la respecte et ne cherche point à en surprendre la cause, qui semble t'y montrer sensible et la partager en secret. Viens près de moi, Bendel, et sois le confident, l'ami de mon cœur. Je ne t'ai point caché l'immensité de mes richesses. Je ne veux plus te faire un mystère de mon désespoir. Bendel ne m'abandonne pas. Tu me vois riche, libéral, et tu penses que le monde devrait m'honorer et me rechercher. Cependant, tu me vois fuir le monde, mettre entre lui et moi la barrière des portes et des verrous. Bendel sait que le monde m'a condamné. Il me repousse, me rejette, et peut-être me fuirais-tu toi-même lorsque tu sauras mon effroyable secret. Bendel, je suis riche, généreux, bon maître, bon ami, mais hélas, je n'ai plus. Comment achever, grand Dieu? Je n'ai plus mon ombre. Plus d'ombre? S'écria-t-il avec terreur. Plus d'ombre? Et ses yeux se remplirent de larmes. Misérable que je suis d'être condamné à servir un maître qui n'a point d'ombre. Il se tut et mon visage retomba dans mes deux mains, dont je le couvris de nouveau. Bendel, repris-je en hésitant après un assez long silence. Bendel, maintenant tu connais mon secret et tu peux te trahir. Va, dénonce-toi, élève contre moi ton témoignage. Je m'aperçus qu'un violent combat se passait en lui. Enfin, je le vis se précipiter à mes pieds. Il saisit mes mains, les arrosa de ses pleurs et s'écria. Non, quoi qu'en pense le monde, je ne puis ni ne veux abandonner mon maître parce qu'il a perdu son ombre. Si je n'agis pas selon la prudence, j'agirai du moins selon la probité. Je demeurerai près de vous, je vous prêterai le secours de mon ombre. Je vous rendrai tous les services qui pourront dépendre de moi. Je pleurerai du moins avec vous. À ces mots, je jetai mes bras autour de son cou, je le serrai contre mon cœur, étonné d'un si admirable dévouement, car je voyais bien que ce n'était point le vil appât de l'or qui le portait à se sacrifier ainsi pour moi. Depuis ce moment, mon sort et ma manière de vivre changèrent. On ne saurait croire avec quel zèle, avec quelle adresse Bendel savait remédier à ma déplorable infirmité. Toujours et partout, il était près de moi, devant moi, prévoyant tout, pendant les plus ingénieuses prenant les plus ingénieuses précautions, et si quelque péril venait à me menacer, plus prompt que l'éclair, il accourait et me couvrait de son ombre, car il était plus grand et plus puissant que moi. Alors je pus me hasarder de nouveau parmi les hommes et reprendre un rôle dans la société. Ma situation me forçait, à la vérité, à effectuer divers bizarreries, mais elle sied si bien aux riches. Et tant que la vérité demeurait cachée, je jouissais doucement des honneurs et des respects que l'on doit à l'opulence. J'attendais avec plus de tranquillité l'époque à laquelle le mystérieux inconnu m'avait annoncé sa visite. Je sentais cependant très bien que j'aurais tort de m'arrêter longtemps dans un lieu